ailleurs qu'on est tous wanted. La cellule de mon pote est décorée. Plus personne dans le tien, tu es écœuré. T'alimentes les rumeurs, mais au fond tu me connais. J'ai le cœur sur la main, facile de me trahir, je ne plaisante pas. J'ai le cœur sur la main, regarde ma chérie, je ne plaisante pas. Je leur tends pas la main, si ça part en couille, ne me raisonne pas. Parce que je les connais trop, leur mère les butes. J'ai perdu des proches, je ne reverrai plus. Les jaloux sont mes potes, je dois couvrir mes thunes. Ramène les coups, je vais leur faire un bide. Je peux pas.